Une partie des gens du livre auraient bien voulu vous égarer. Or, ils n'égarent qu'eux-mêmes, et ils n'en sont pas conscients.